bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour cette deuxième rencontre organisée dans le cadre du Laboratoire des Territoires et surtout dans le cadre de Chantier Commun, le nouveau mois de la nouvelle formule du mois de l'architecture en Normandie. Donc ce soir commence en fait aujourd'hui la session de l'équipe que nous avons accueillie d'architectes et paysagistes et vidéastes que nous avons accueillis à Val d'Allière, dans le sud du Calvados, en résidence l'an dernier. Donc ils vont se présenter les uns les autres. Et puis c'est vrai qu'on leur a donné un peu, pas carte blanche, mais presque, pour organiser cette rencontre dans la continuité de leur démarche menée à Val d'Allière. Donc ils vont vous parler un petit peu de ce qu'ils ont fait dans la commune. Et puis ensuite de leurs invités. Et c'est vrai qu'on a, nous, proposé d'inviter le WIP, représenté par Pauline Tesco ce soir, pour aussi avoir un ancrage local à cette démarche, et puis aussi un ancrage un peu décalé aussi, puisqu'autour de la table, il y a beaucoup d'architectes, paysagistes. L'idée aussi, c'est de montrer que habiter le projet, qui est le thème de cette rencontre, ça peut être aussi appliqué à d'autres types d'activités, et c'est plutôt une posture ou une méthode de travail plutôt qu'une façon de faire du projet urbain ou architectural. Bien sûr, ça l'est aussi, mais ça peut être aussi décliné autrement. Voilà. Et donc, autour de cette table, il y a aussi d'autres coopérateurs du WIP qui sont là et qui pourront aussi peut-être témoigner de cette aventure collective autour du projet Grande Halle. Je vais vous passer tout simplement la parole. Margot Milad. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à tous et merci d'être venus. On va vous raconter aujourd'hui quelques petites histoires, quelques expériences qu'on a vécues en tant que professionnels du territoire, de l'architecture, de la vidéo, et des manières d'habiter les projets qu'on coordonne. Et je vais commencer par vous raconter rapidement la résidence à Val d'Allière, qui est exposée ici dans ce laboratoire des territoires, parmi trois résidences qui ont été réalisées l'année dernière en Normandie. Donc avec Camille qui est paysagiste et Loan qui est réalisateur et Maxime qui n'est pas là et qui est cuisinier, donc moi je suis architecte, on a répondu à un appel à résidence et on a répondu pour une résidence qui se passait à Val d'Allière dans le Calvados en milieu rural. Donc organisée par Territoire Pionnier, Maison de l'Architecture. Et l'idée c'était de passer 6 semaines sur place. 6 semaines sur place à Val d'Allière. Val d'Allière qui est une commune nouvelle. Une commune nouvelle qui regroupe 14 communes qui seront véritablement fusionnées en 2020. Et qui donc est dans une période de transition entre 14 communes, 14 maires, 14 mairies, 14 fonctionnements et puis une seule commune. La résidence, c'est un temps qui nous paraît primordial, qui est un temps hors des processus habituels, pour qui est une occasion en fait de réflexion collective, et donc de venir proposer, de porter un autre regard sur des choses qu'on fait tous les jours. La question que nous on a portée là-bas, c'était comment faire commune, quand on est de 14, on devient 1. Et le travail qu'on a fait sur 6 semaines, qui est très court, 6 semaines, c'est vraiment très court, c'était principalement de chercher à récolter les nuances, toutes les nuances qu'il peut y avoir sur un territoire, d'avis par rapport à ce que c'est de vivre là, de problématiques, d'enjeux de chacun, d'envie, de besoins, de récolter ces nuances comme une grande enquête, et c'est ce que nous essayons de faire, de refaire ici en 3 jours, qui est très très court, mais de travailler sur le quartier qui est autour du pavillon, en faisant une récolte comme celle-là. Et donc, par cette récolte des nuances, de faire émerger un langage commun et de voir émerger des opportunités de projets collectifs. Et aujourd'hui, enfin, les projets qui ont émergé de cette courte résidence, c'est de se poser la question du devenir des 14 mairies, des 14 mairies de Val d'Allière, et de se poser la question de la transformation de ces lieux-là, enfin de la continuité de ces lieux, comme des lieux collectifs de centre-bourg. Ça, c'est une réflexion qu'on a construite avec, avec la commune et avec les habitants, et qui aujourd'hui... et aujourd'hui, ils veulent continuer à la porter. Voilà, j'ai déjà un peu beaucoup parlé. Sinon, à part ça, moi, ce genre de processus, de méthode, je l'avais déjà pratiqué ailleurs. J'ai passé un an de résidence à Bataville, en Moselle. Donc, Bataville, la ville Bata de milieu rural en Moselle. Et pour faire aussi une mission de programmation. Donc de définition d'usage dans des bâtiments vacants et du coup une programmation active, c'est-à-dire en mettant les lieux en mouvement et en voyant ce qui en ressort. Voilà, et je souhaite continuer à porter ce genre de démarche. Je passe la parole au reste de l'équipe. Alors, bonjour, alors donc moi je suis Camille Fréchoux. Et donc je suis paysagiste, conceptrice et jardinière aussi. Et contrairement à Margot, moi je suis moins familière de ces démarches-là. Donc je vais peut-être revenir sur la constitution en quelques mots, la constitution mixte, on va dire, de notre équipe, donc avec architecte, paysagiste, réalisateur et cuisinier. En fait, là, la question s'est posée, c'est-à-dire que déjà comment faire commune, comment passer de 14 à 1. Et comment la plus petite unité territoriale qui est la commune, d'un coup, devient gigantesque. Donc là, on avait quand même un territoire de 158 km². Donc ça posait quand même des questions, ne serait-ce que de logistique, de capacité à même nous intégrer ce territoire-là. Donc on a eu tout un travail de cartographie et d'analyse. Pour le coup très paysagiste. Et il y a aussi quelque chose que tout paysagiste partage. Nous, on a un peu procédé comme une enquête. On avait un mur comme celui qu'on a commencé à constituer là, où on récoltait diverses informations, des paroles d'habitants, mais aussi des cartographies, de la photo, on avait de la vidéo. Et c'était ce. On est proche d'une étude, en fait. En tout cas, c'est un exercice que nous, paysagistes, ce côté très transversal de mêler à la fois botanique, géologie, territoire, de faire appel à différents moyens pour comprendre un territoire. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais pas du tout de cette manière-là. Et souvent, on le fait un peu désincarné du territoire. Donc, c'était l'occasion de procéder différemment. Et voilà. Et sinon, je vais peut-être passer la parole à Loan pour qu'il explique aussi son approche. Bonsoir. Du coup, moi, je suis réalisateur et j'étais invité, on va dire, la moitié du temps sur cette résidence. Donc, je les avais laissés commencer. Je suis venu à la moitié, puis j'ai fait la fin avec elle. L'idée, c'était d'avoir peut-être un autre regard et d'utiliser le médium vidéo à la fois au fur et à mesure de la résidence pour parler avec des habitants, pour présenter ce qu'on était en train de faire voilà, chronologiquement. Et aussi pour faire un montage et quelque chose d'un peu plus long, qui serait un film à part, où j'étais très libre. Et j'avais déjà un peu travaillé comme ça, c'est-à-dire à partir d'un territoire qui est à la fois l'objet, enfin le sujet, mais aussi presque l'outil, sans trop savoir où aller. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était vraiment de mélanger les temps d'écriture, tournage, montage, et finalement tout finit par se mélanger, et puis on trouve son écriture et on creuse le sujet en montant, puis en retournant, en discutant. Et donc de cette position un peu en retrait au départ, ben, dans ma dérive, finalement elle est vachement nourrie aussi de toutes nos discussions et de ma position de témoin de leurs avancées. Donc à la fin, en fait, c'est pas tellement un regard purement à part, c'est un peu un entre-deux, quoi. Un dialogue avec leur propre dialogue, voilà. Et finalement, avec ce genre de démarche qu'on propose, on a trouvé un écho dans la pratique de Loane en tant que réalisateur, quand il dit que l'écriture, le tournage et le montage se font finalement dans le même temps. Nous, ce qu'on vient proposer sur les territoires, c'est de faire et de la programmation, de la discussion, de la mise en action, de continuer à discuter et de jamais savoir vraiment précisément où on va, mais avoir confiance en le fait qu'on va quelque part tous ensemble et finalement remélanger les phases comme ça pour inventer des choses qui soient plus sur mesure d'une façon incrémentale comme ça. Oui, je voudrais compléter quand même un peu parce que la résidence d'architecte, il ne faudrait pas penser que c'est vraiment une mission aussi préalable à un projet, que c'est un diagnostic comme on a l'habitude de le faire. La résidence d'architecte reste vraiment un projet culturel. Mais nous, chez Territoire Penet, on pense que pour mettre en place des projets durables dans les territoires, des projets qui soient adaptés vraiment sur mesure avec le lieu où il va s'inscrire, il faut travailler en amont sur justement cette épaisseur culturelle qui est là, mais qui est souvent absente des cahiers des charges qui sont élaborés le projet non plus ne l'intègre pas ou très peu. Et donc du coup la résidence, alors c'est vrai que vous en êtes emparé avec votre sensibilité, et c'est vrai que Margot, la programmation c'est aussi une des facettes de ta pratique architecturale, mais la résidence au départ ça reste un projet culturel qui est là pour mettre en synergie les acteurs, identifier des potentiels, révéler aux habitants le lieu où ils habitent, et qu'après cette phase de programmation elle est arrivée peut-être même elle est arrivée presque à la restitution plus comme une façon d'aborder la suite, mais pas forcément comme justement le contenu de la globalité de la résidence. Voilà, et peut-être une toute petite précision, on parle dans des micros parce que cette discussion est enregistrée et va faire l'objet d'un podcast qui sera ensuite disponible en ligne. Et donc, pour l'instant, on parle comme ça dans les micros en tant qu'intervenant, mais quand il y aura des échanges avec vous tous, vous serez invités aussi à utiliser ces micros. Voilà, je te laisse poursuivre. On aura l'occasion de revenir plus précisément sur ce qu'engendre le fait d'habiter là, dans le cadre de la résidence et dans le cadre des projets dont on va vous parler maintenant. Mais on préférait présenter chacun des projets assez succinctement avant de rediscuter de tout ça. Donc je vais donner la parole à Pauline qui va nous présenter le projet du WIP que certainement beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu déjà. Moi c'est Pauline Sesco de l'association Le WIP. Alors l'association Le WIP, c'est une association qui s'est créée il y a bientôt 3 ans maintenant, à Colombelles, sur la friche de l'ancienne société métallurgique de Normandie, qui est donc une grosse usine qui a fermé en 1993 et qui depuis 1993 a progressivement été réhabilité avec des bureaux, avec des logements aussi peu à peu, mais restait deux grands vestiges que sont le réfrigérant et la grande halle, ancien atelier électrique de la SMN. Et à partir de 2014, il y a commencé à avoir des ateliers, aussi des choses qui se passaient sur ce site en friche, sous l'impulsion de Normandie Aménageur, qui était donc l'aménageur dans l'ensemble de ce site. Puis en 2015, les architectes Construire et Encore Heureux ont été retenus pour mener ce projet architectural. Les envies se sont peu à peu agrégées autour de l'idée de reconquérir cette friche de la Grande Halle, d'en faire un lieu qui soit à la fois un lieu de travail, un lieu de partage, un lieu festif, un lieu aussi où peuvent se retrouver à la fois des habitants, des entreprises. dans cette dynamique qu'on appelle la dynamique des tiers-lieux aujourd'hui en France, donc c'est lieu un petit peu intermédiaire entre différents univers. Et peu à peu, ce projet architectural s'est construit, ses envies aussi ont grandi, mais plus le temps avançait et plus la question devenait importante de non seulement commencer à faire vraiment revivre activement ce territoire, puisqu'il y avait eu des expérimentations, des pique-niques, des fêtes de la science, des manifestations d'art de la rue, mais sans vraiment possibilité de mettre en place un outil comme une permanence architecturale à laquelle faisait référence Margot, et puis aussi sans porteur de projet principal pour, à terme, gérer et animer cette grande halle. C'est comme ça, en fait, que l'association Le WIP, elle s'est donc créée en 2016, avec 5 personnes à la base, hein, donc du coup moi-même, Nathalie Montigné qui est à ma droite, et puis Ophélie Desrolles, Patrick Simon et Luc Brou. Donc 5 personnes qui se sont dit, ok, nous voulons bien prendre le risque à terme de gérer et animer ce lieu, mais en commun accord avec Normandie Aménagement, on s'est dit qu'il nous fallait un lieu déjà sur ce site-là pour commencer à activer cette friche. Et tout simplement avoir un endroit où on est au sec, au chaud, où il y a de l'eau, de l'électricité, ce qui n'était pas le cas jusque-là, puisqu'on était vraiment sur une totale zone de friche. Donc ça, c'est la cité de chantier qui a été conçue par le collectif ETC en juin 2016. On vous fait circuler des photos là pour illustrer mon propos si vous n'êtes jamais venu. Et donc ce lieu nous a été mis à disposition donc depuis ce moment-là. Donc on a réellement ouvert en octobre 2016. Et en fait, l'idée, c'était que cette cité de chantier soit un lieu d'expérimentation collective pour expérimenter finalement ce que serait à terme cette grande halle, qui est beaucoup plus grande, hein, qui fait 3000 m². La cité de chantier, c'est, pour vous donner une échelle, c'est 250 m². Donc l'idée, c'était de se tester à l'échelle moins, pour à terme aller occuper la grande halle. Donc c'est ce que nous, le WIP, avons fait. Donc on s'est finalement donné nous-mêmes notre propre commande, hein, puisqu'on va se reposer, je pense, la question de la commande. Vous avez parlé là, vous, de la résidence. Donc nous, c'est nous qui avons pris cette initiative-là de fonctionner de telle façon, d'associer aussi des habitants, de mener aussi des animations, etc. Pour une période qu'on estimait au départ plus courte, on pensait que le chantier allait démarrer beaucoup plus vite que ce qui n'a finalement été le cas. Et puis finalement, ben voilà, on se retrouve, ça va bientôt faire 3 ans qu'on est en préfiguration de la Grande Halle, qui va finalement ouvrir en octobre 2019. Et puis il s'est passé plein de choses pendant ces 3 ans, évidemment. Nous aussi, ça nous a permis de tester la programmation future de la halle, ça nous a permis de tester des modes de faire, d'associer aussi de plus en plus de gens, hein, puisqu'on est parti de 5 personnes. Je vous disais, aujourd'hui, on est 40 sociétaires, énormément de bénévoles, d'énergie collective. Voilà, du coup, c'est au travers cet outil-là d'habiter le projet. Alors nous, on n'habitait pas, on dort, personne ne dort à la cité de chantier. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a un gros problème de logement. Mais c'est pas vraiment un lieu qui est habitable en tant que tel. Par contre, c'est un lieu où on y réside, où on a des gens qui y travaillent toute la semaine, il y a des choses le week-end, etc. Donc c'est une autre façon d'habiter le projet. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait échanger ce soir. Est-ce qu'Hélène, tu nous raconterais aussi la petite histoire d'ici et de l'île Saint-Denis et de ce que vous faites là-bas en habitant aussi un petit peu sur place? Alors bonsoir à tous. Donc je m'appelle Hélène Bûcher, je fais partie d'une association qui s'appelle ICI, qui veut dire Initiative Construite de l'île Saint-Denis. Et on est une association d'architectes au départ. Et c'est vrai qu'on est maintenant depuis presque 5 ans dans un même quartier. Donc c'est aussi un format de résidence ou de permanence architecturale. Donc cette fois sur un temps, en tout cas un peu plus long peut-être que ces premières résidences-là. Mais je pense qu'il y a plein de similitudes en tout cas sur la démarche et sur aussi des lieux en chantier. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, ça se situe dans le 93, le quartier dans lequel on travaille. C'est le quartier sud de l'île Saint-Denis. Donc là, il y a juste une petite illustration. On est au bout d'une commune insulaire. Et c'est un quartier qui est constitué à 93% de logements sociaux. Et puis en termes d'architecture, bah, c'est beaucoup de bars et de tours. Enfin, c'est un peu ce qu'on connaît voilà, sous l'image de la cité. Et c'est un quartier qui est rentré dans le périmètre en rue. Donc il y a un gros projet de rénovation urbaine à venir sur ce quartier, donc, qui s'étale sur 10-15 ans. Et en fait, avec un groupe d'amis, on était 8 étudiants en architecture. Pour notre diplôme de fin d'études, on avait travaillé sur ce quartier. Et déjà en petit groupe, en fait, on était 5 à ce moment-là. Et on avait voulu travailler sur la notion de la participation habitante dans les projets urbains, en s'appuyant sur ce quartier-là et sur un travail de mise en réseau des ressources qu'on considérait un peu délaissées ou voilà, laissées en marge de la fabrication de la ville. Donc voilà, il y avait eu un travail d'inventaire, de cartographie, et puis des premières tentatives, mais c'était seulement 6 mois de travail, d'essayer de faire des petits chantiers dans l'espace public à partir de chutes des matériaux dans les entreprises à proximité, d'essayer de valoriser des compétences habitantes dans la réflexion des espaces publics. Voilà, donc il y avait quelque chose qui avait été amorcé. 6 mois, c'était court. Nous qui étions déjà intéressés par l'idée du travail sur le long terme et d'être aussi ancrés sur le territoire, on s'était rendu compte qu'en fait, on n'était qu'aux prémices. Mais en même temps, des premières rencontres, à la fois avec des personnes de la commune, des techniciens, des élus, mais aussi des habitants qui nous avaient encouragés à continuer. Et c'est à la suite de ce diplôme qu'on a créé l'association ici, avec la volonté que ce ne soit pas une association collective d'archi qui puisse intervenir en fait, largement sur le territoire, mais que ce soit vraiment une association ancrée dans le quartier, en se disant que possiblement elle pourrait être aussi reprise par des habitants ou par d'autres, en tout cas que ce soit quelque chose qui soit vraiment lié au territoire, c'était quelque chose d'important pour nous. Et donc on sait, là on était aussi un peu dans une création de commande, c'est-à-dire que dans les projets en rue, peut-être vous le savez, il y a une place importante qui est donnée à la participation des habitants, donc il y a certains budgets qui sont donnés pour co-conception, la co-construction. Donc on a pu avoir cette petite étiquette quand on est arrivé dans le quartier, mais sinon la plupart des actions qu'on faisait c'était quand même juste en lien avec les habitants et certains élus et techniciens, mais on rentrait pas forcément dans le grand rouage de la rénovation urbaine. On était un petit peu en électron libre, et d'ailleurs on l'est toujours. Et en fait, petit à petit, on a commencé à, du coup, c'est du coup en amont des études du projet. Donc, on était justement dans une phase de récolte, là encore. Et on s'est mis à utiliser différents outils, à en tester. Certains ont marché, d'autres moins. Un des outils qu'on a bien aimé, c'était ce jeu qui s'appelle Il était en une fois. Et qui est un jeu qu'on a pu constituer au fur et à mesure de rencontres avec les habitants lors de petits tours dans le quartier, et qui est un jeu fait sur mesure, avec des cartes personnages qui sont en fait des habitants, des techniciens, des cartes lieux, des cartes péripéties, et l'idée de pouvoir raconter des projets en fait futurs et d'inventer des histoires autour du quartier. Donc il y a eu des chantiers aussi participatifs, notamment avec les jeunes du quartier, des événements aussi qui se sont mis en place. Il y avait l'idée de questionner la culture commune du quartier, de voir aussi voilà, ce qui fait commun, et puis s'il y a un sentiment d'appartenance au quartier. Donc là, une fête des Lumières qui s'est montée avec plusieurs habitants. Et au bout de 3 ans dans le quartier, donc c'était d'abord une permanence qui s'est faite 2 jours par semaine. C'était du coup d'abord un petit format. On a essayé du coup de restituer aux futures personnes et équipes qui allaient bosser sur le projet ce qui avait pu être expérimenté avec les habitants. Donc il y a eu du coup deux formats de restitution, un livret à l'usage des rénovés, donc ça c'était vraiment la bible de chevet à destination des habitants, qui leur expliquait du coup de manière illustrée un petit peu quelles sont les instances qui existent, quels sont les rouages et comment ils peuvent avoir leur place dans le projet. Et puis d'autre part, un autre outil qui était le diagnostic d'usage urbain, où là c'était plutôt du coup avec notre regard d'architecte, comment on avait pu, au travers des événements, des chantiers participatifs qui avaient été faits dans l'espace public, pouvoir en tirer des pistes pour le projet urbain futur et les transmettre à la maîtrise d'œuvre et aux urbanistes à venir. Donc ça c'était une première étape. Et puis on s'est dit qu'après 3 ans on avait quand même récolté pas mal d'informations, pas mal d'éléments, on était en en lien déjà avec pas mal de dynamiques et d'habitants. Et puis, il y avait beaucoup de demandes qui émergeaient. Et donc, on a eu envie de développer deux projets qui, cette fois, allaient durer au moins 3 à 5 ans. Donc, le premier, c'est un projet dans les classes. Donc, un projet sur 3 ans monté avec les équipes pédagogiques de l'école. Qui sont du coup des petits ateliers avec 3 classes de l'école qui travaillent pendant 1 an sur un même projet pour leur école qui est en rénovation. Et donc voilà, là il y a des petites illustrations d'un projet qui a été pensé avec eux sur l'aménagement de leur bibliothèque. Donc il n'y avait pas justement d'entreprise ni de dessin qui était prévu pour l'aménagement de la bibliothèque. Et donc pendant 1 an on a travaillé avec 3 classes là-dessus et ils ont participé à la fabrication de certains éléments. Donc là l'idée c'était quand même de pouvoir transmettre l'idée de capacité d'agir, de se former, d'être citoyen, de transmettre ce que c'est qu'un chantier, le processus de projet aussi dès l'enfance. Et puis un autre projet qui s'adresse là aux enfants mais aussi aux adultes qui était le besoin d'un lieu de rencontre et donc là pour moi ça fait un petit peu écho aussi à la maison de chantier avec un lieu qui s'appelle le pavillon en chantier qui est un lieu qui appartient à la ville qui est en friche et qu'on retape petit à petit maintenant depuis 2 ans avec les habitants pour en faire à la fois un lieu de maison de quartier qui permette de tester des initiatives habitantes et voir ce qui prend. C'est comme une pépinière d'activités sociales et l'idée c'est de, dans ce temps de maturation du projet urbain, il y a plein de choses qui ne sont pas encore pensées, notamment comment vont être occupés les rez-de-chaussée et de se dire bah, dans ce lieu-là, en latence, on peut tester des initiatives habitantes pour que des projets émergent et qu'ils puissent réinvestir en priorité les rez-de-chaussée du futur projet. Donc voilà un petit peu les deux projets sur lesquels on est en ce moment et qui nous occupent beaucoup et qui, je pense, grâce au temps long, permettent aussi d'avoir de plus en plus de gens autour de nous et un certain soutien aussi de la ville et de la région aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Et Hélène et moi faisons aussi partie, dans la continuité de ce type d'expérience, faisons aussi partie d'un laboratoire, qui s'appelle Barbara. Et c'est un laboratoire de programmation habitée. Est-ce que tu peux nous en dire 3 mots et puis je parlerai de l'Atlas du Oui après. Alors du coup dans ce genre de démarche même si ici on est content de montrer des photos et de se dire qu'il y a plein de choses qui marchent, c'est aussi des processus qui sont très compliqués et je pense que dans toutes les résidences voilà, il y a des hauts, des bas parce qu'en fait il faut sans cesse essayer de convaincre les partenaires, les acteurs du territoire de se dire qu'en fait ce sont des travaux expérimentaux, c'est complètement voilà, incrémental comme mode de faire, ça se fait petit à petit, on ne connaît pas le résultat final. Donc voilà, il y a toute une part de risque et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à plusieurs il y a de là, ça un an et demi donc c'était plutôt du coup de formation d'architecte mais finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus large en fait cette méthodologie, ça touche aussi d'autres métiers, à se dire qu'on avait besoin d'échanger sur cette pratique-là, à la fois pour se soutenir dans les coups durs et pouvoir échanger aussi comment on peut s'en sortir face à des freins très importants, mais aussi se dire qu'il fallait en parler un peu plus et essayer du coup de communiquer sur cette démarche. C'est pour ça qu'on s'est mis petit à petit à constituer ce groupe qui s'appelle Barbara et petit à petit à organiser ce qu'on appelle des petits labos et donc des temps d'échange, à la fois pour produire des outils de réflexion et de communication de la démarche, mais aussi voilà, pour échanger aussi entre nous. Voilà. Donc du coup, un des premiers outils qui a été produit, c'était l'Atlas du Oui, un récit d'expérimentation urbaine. Et l'idée était de pouvoir du coup exposer autour de différents projets dont Margot et moi on a fait partie, mais aussi bien d'autres, un petit peu ce que c'était que cette démarche et comment on pouvait l'expliquer avec quelques notions un peu clés. Voilà. L'Atlas du Oui, donc c'est la production qu'on a fait au sortir d'une résidence qui réunissait des personnes qui avaient fait des permanences architecturales, notamment dans les universités foraines qui avaient été lancées par Patrick Bouchain, et donc une université foraine de Rennes, l'université foraine d'Avignon à laquelle a participé Hélène, l'université foraine de Clermont-Ferrand et l'université foraine de Bataville à laquelle j'ai participé. Et en fait, on s'est réunis pour donc parler de ces expériences-là, qui avaient toutes été faites sur le temps long et qui n'étaient pas forcément faciles à transmettre, et d'échanger entre nous. Et finalement, on s'est raconté plein d'histoires, en fait, pour comprendre les choses qui avaient marché, les petites choses qui faisaient le quotidien dans ces permanences-là. Et on s'est dit que c'était ces anecdotes qui permettaient de mieux raconter ce qui pouvait se passer sur le temps long et sur des temps imprévus et sur et en fait ce qui arrive quand on prend ce temps d'habiter là et d'être là. Hors des temps habituels ou hors des temps trop normés. Et donc, c'est un petit recueil d'histoires qu'on va vous faire passer. Et ces histoires-là, on les a regroupées sous des mots-clés, sous des notions que je vais vous citer et qui vont nous servir ensuite à lancer la discussion qui sera d'abord entre nous cinq intervenants, et puis qu'on ouvrira ensuite à tout le monde. Et l'idée, c'est de vous donner des éléments qui vous permettent de rebondir ensuite, et puis qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc ces mots-clés, je vais vous les citer. C'est « culture sur mesure ». Peut-être qu'ils ne vont rien vous dire, mais peut-être qu'ils vont vous évoquer des choses. Tricot de corps, faire le pont, action habile, carrière à pépite, la tactique du concierge, courber la norme, ouvrir les voies et confier les clés. Et donc... la question qui nous était posée aujourd'hui, pour y revenir, c'était, comme il est écrit sur le site de Chantier Commun, et si prendre le temps d'habiter le projet contribuait à le construire collectivement ? Et si on se servait de ces mots-clés pour tenter de répondre à cette question ? Je vais commencer, hein. Je vais en prendre un. Je vais prendre ce fameux tricot de corps. Et en fait, par tricot de corps, ce qu'on avait voulu dire, c'est que dans ce genre de... Ouais, il y en a deux. Dans ce genre de démarche, finalement, on parle d'architecture, on parle de territoire, on parle d'urbanisme, on parle de paysage, mais on parle surtout de personnes. Et finalement, la mission qu'on se donne, la mission qu'on prend et le rôle qu'on a quand on va comme ça sur les territoires, c'est de mettre les gens en lien. C'est de servir de lien entre des personnes qui se côtoient mais ne discutent pas forcément de ces sujets-là entre eux, entre des habitants, des élus, des techniciens, des associations, des gens qui travaillent sur le territoire, des gens qui passent par là, des entre guillemets experts ou des personnes qui viendraient de l'extérieur pour porter un regard neuf. Et l'idée, c'est de prendre le lieu, l'espace... comme un alibi, comme un support, et de venir proposer un tissage de personnes autour de ces lieux-là, de ramener, de proposer des occasions de discuter, de se rencontrer, de comparer ses points de vue, de proposer des outils pour comprendre quel est le langage de l'autre. Quelles sont ses contraintes, quels sont ses enjeux, quels sont ses désirs, et peut-être d'essayer de se comprendre un peu mieux et d'ensuite pouvoir construire quelque chose ensemble ou construire collectivement un projet pour un lieu. Euh, Si par exemple, je sais pas, l'un d'entre vous peut nous raconter un petit peu comment on réunit les personnes et quels sont peut-être les outils ou les événements qui sont mis en place pour que les personnes se croisent et travaillent ensemble. Ce que tu disais me fait penser à quelque chose nous qu'on a fait récemment avec un partenaire qui s'appelle l'ENEFA, qui est un organisme de formation du coin, qui est à Hérouville, et qui nous avait demandé s'il pouvait utiliser le WIP, la Cité de Chantier, comme lieu pour leur stagiaire, pour faire un film, en fait. Parce qu'ils travaillent sur la notion de film d'atelier, c'est-à-dire de comment est-ce qu'avec des personnes qui sont en reconversion ou en réinsertion, on peut travailler sur un projet commun. En fait, le film était un peu un alibi pour faire un projet commun entre eux, aboutir à un résultat, un processus de travail, etc. Et donc, eux, ils ont choisi le site de l'ASMN et donc ils nous ont demandé s'ils pouvaient utiliser la Cité de Chantier comme support de leur film. Et en fait, ce film, c'était rigolo parce que du coup, le sujet est devenu vraiment la Grande Halle. Et en fait, vraiment la question des espaces de liberté. Parce que forcément, une friche, quand ça ferme quelque part, quand ça se transforme, c'est aussi un espace de liberté qui disparaît. Et en fait, leur film, c'est en fait, ils ont réussi, alors que nous, on n'a pas servi d'intermédiaire, c'est peut-être un contrepoint de ce que tu dis. Parfois aussi, nous, on a juste servi d'intermédiaire en tant que lieu et en tant que facilitateur de certaines rencontres. Mais en fait, leur film, il témoigne de tous les usages qui ont eu lieu dans cette phase d'entre-deux. Il y a des anciens de l'ASMN, il y a des motocross, il y a des mecs qui faisaient du paintball. Et en fait, du coup, finalement, ça, quelque part, nous, en mettant à disposition le lieu et un petit peu de notre énergie, mais finalement, nous, on a fait plus de la coordination, ça a permis, eux, de leur mettre dans une certaine ambiance et peut-être au travers des échanges qu'ils ont pu avoir entre nous, avec nos résidents, avec tout ça, de finalement orienter leur film et de donner la voix à ceux qui n'en avaient finalement plus beaucoup. Ça fait aussi écho à ouvrir les voies, qui est une des autres thématiques que tu disais. Et en fait, c'est un film qui est hyper touchant pour nous, qui est difficile, parce que ça pose aussi la question de... clairement, le film dit « Vous nous ôtez notre espace de liberté en réhabilitant ce lieu de la Grande Halle ». Et en même temps, c'est un peu une espèce de vigilance collective qu'ils nous ont mis, quoi, de se dire... ces gens-là, ils ont existé, on les a mis sur la pellicule aussi, il faut y être attentif. Et voilà, du coup, ça me faisait penser à ça, à toutes ces petites histoires qui se tricotent aussi, qui nous dépassent aussi en tant que résident permanent d'un projet. Voilà. C'est branché. c'est ce que tu dis, ça me fait penser à une question qui se pose, par exemple... dans l'aménagement de l'espace public et notamment pour la question des parcs, des jardins publics, c'est qu'il y a, cette question aussi, parfois, prendre le temps de regarder, être sur place, c'est aussi de décider de ne rien faire. Dans votre cas à vous, je pense que ce que vous êtes venu faire dans ce lieu, j'ai l'impression qu'il y a une continuité quand même dans cet espace de liberté tel qu'il était utilisé avant. Il y a une démarche derrière. Mais parfois, il y a aussi des aménagements très autoritaires sur des espaces où, en fait, tout est déjà là. Il n'y a pas forcément besoin d'amener quoi que ce soit. Et parfois, qui manque juste d'une observation attentive. C'est-à-dire que c'est encore cette question de la commande publique. C'est qu'on peut peut-être mettre de l'argent à prendre le temps de comprendre, d'habiter, en tout cas d'observer, de pouvoir qualifier déjà des usages qui sont déjà en place, qui sont plus ou moins informels, plutôt que de mettre de l'argent finalement dans une enveloppe de chantier, quoi, tout simplement. C'est aussi ne rien faire. Finalement, oui, ce que tu dis, c'est que habiter le projet peut ainsi permettre de révéler des choses qui sont là, et révéler le fait qu'il y a plein de liens informels et finalement de petites constructions collectives qu'on ne voit pas forcément quand on n'est pas sur place, mais qui sont effectivement là. d'une part, et habiter le projet. Donc ça permet de révéler ces constructions collectives, mais aussi habiter le projet, ça, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi prendre ce temps de connaître les gens, de construire une relation de confiance et de pouvoir ainsi aussi aller vers la construction de choses collectivement, parce qu'il y a cette confiance. En fait, on vient fabriquer une occasion de se faire confiance et de construire ensemble ce projet-là. Mais quand je dis ne rien faire, je précise pour tout le monde. Enfin, moi, je suis conceptrice, quoi. Donc, de fait, le ne rien faire, c'est aussi prendre ce temps de la reconnaissance de ce qui est déjà là, en fait. Mais ça passe par des usages, ça passe par des plantes qui ont certaines qualités, mais ça passe aussi par des gens, des habitudes qu'ils ont. Et c'est un peu mettre de côté les grands gestes autoritaires dont certains concepteurs sont capables, en fait. Et puis c'est aussi accepter qu'il y a des trucs qu'on a conçus pour un certain usage et qui finalement sont complètement détournés. Nous, on a un magnifique bassin d'orage juste à côté de la cité de chantier. La dernière fois, il y a un jeune qui m'a demandé « Mais madame, ils vont le garder, le terrain de motocross, parce que c'est vraiment super !» Du coup, c'est ça aussi, évidemment, et heureusement, c'est tant mieux. Mais parfois, un truc qu'on a imaginé, et pour nous, c'est clair que ça va jouer ce rôle-là, est complètement détourné par les usagers. Du coup, juste dans ce que vous disiez, ça me faisait penser au terme carrière à pépite qu'on avait essayé de formuler sur cette idée de révéler les pépites du territoire, et donc ce soit des ressources humaines à valoriser, mais parfois tout simplement au travers des événements. Nous, en tout cas, que ce soit à Avignon ou sur l'île Saint-Denis, les habitants qui avaient envie de s'investir dans la cuisine des événements et qui se révèlent en fait à avoir une vraie compétence qui pourrait se développer aussi comme une compétence professionnelle. On a eu aussi à Avignon, on était avec des personnes qui étaient accueillies en accueil de nuit, donc des personnes à la rue. C'était un tout autre projet à Avignon, mais on a à un moment fait un chantier justement pour penser des caissons-lits sur lesquels ils pourraient dormir la nuit. Et en fait, une des personnes de l'accueil de nuit nous a accompagnés sur le chantier, est devenue chef de chantier parce qu'en fait, il était beaucoup plus compétent que l'ensemble des concepteurs qui étaient là. Et en fait, ça lui a donné la porte ouverte ensuite au sein de l'association qui accompagne les sans-abri pour avoir un premier emploi qui lui a donné ensuite accès à un logement, etc. Donc c'est un peu comment on est là pour essayer de révéler vraiment ce qui existe. Donc autant les lieux à révéler, parfois en fait il y a des petites actions et c'est justement pas de l'aménagement à penser, mais de manière de le révéler, et les personnes aussi en fait. Et donc c'est cette attention-là et ce temps long qui permet petit à petit en fait à ces personnes, au lieu de se révéler. Dans l'idée de la carrière à pépite, on a accueilli une résidence en 2014 dans le quartier du Chemin Vert à Caen, où les deux architectes, qui étaient aussi designers d'espace, avaient pris cette phrase au sens littéral et avaient habillé des espaces du très, très, très identifiés du quartier du Chemin Vert avec des couvertures de survie, donc un moyen très frugal d'intervenir, mais un effet vraiment très important dans le quartier, avec notamment un porche sous un immeuble qui avait été entièrement recouvert de doré, comme un peu on trouve dans les châteaux, la chambre du roi. Et là, c'était vraiment une façon de magnifier les espaces du quartier et de les révéler aux habitants, parce qu'ils étaient surpris qu'il y a des personnes qui prennent en photo. Du coup, alors c'est vraiment la typologie d'immeubles, bars, comme à l'île Saint-Denis. Mais là, on refaisait pour changer les représentations, changer le regard sur son quartier. C'était une façon très, très visuelle d'intervenir et de retourner les choses. Voilà. Et vraiment, cette carrière à pépite spatiale, mais aussi humaine, elle nous semble en tout cas indispensable un territoire, c'est évidemment ses habitants. S'il n'y a pas d'habitants, c'est pas la peine de faire de projet. Donc ces projets, pour nous, ils sont forcément incarnés par des personnes qui vivent ici et qui vont ensuite activer les espaces, enfin qui vont ensuite, qui sont déjà là dans le territoire et qui ensuite vont faire vivre les espaces qu'on va créer avec eux ou pour eux. Donc c'est en effet nécessaire. Moi, si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est, je pense qu'au travers de ces résidences, de ce temps long, c'est tellement un endroit qui est particulier que quelque part, il y a aussi un truc qui se passe, c'est-à-dire que les habitants deviennent des personnes. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Ça paraît enfoncer une porte ouverte, ce que je dis, mais je pense que ça, c'est vraiment important et ça repose aussi sur le côté concierge. Enfin, c'est ce que vous racontez beaucoup dans l'Atlas du Oui, vous parlez de gens précisément, enfin, vous les nommez. Et ça, en fait, ça change quand même énormément de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le vit tous dans nos vies, le côté où on a quand on va à Pôle emploi, on n'a plus une personne, on nous dit d'appeler. Tout est très désincarné. Et que du coup, quelque part, à un endroit, on sache que de telle heure à telle heure, c'est ouvert. Il y a quelqu'un, il y a un concierge qui est là pour discuter 5 minutes, t'expliquer ce qui se passe sur le projet, qu'est-ce qui est en train de se faire, etc. Bah, quelque part, c'est une petite chose. Ça nécessite du temps, ça nécessite énormément d'énergie. Je pense qu'on y reviendra aussi. Mais en fait, ça change tout dans la conception d'un espace, d'un lieu, et de qui on est nous aussi sur un territoire. Et voilà, je pense que ça, c'est quand tu parles de carrière à pépites aussi, c'est les pépites, c'est aussi comment on se révèle chacun en interaction en fait avec les personnes qui sont en résidence, je pense. Moi, j'ai deux remarques sur ce que tu viens de dire. Déjà, je trouve ça hyper bien formulé et peut-être que c'est une porte ouverte, mais c'est important de le rappeler que, en fait, les habitants deviennent des personnes et il n'y a pas que les habitants qui deviennent des personnes, il y a les élus deviennent des personnes pour les habitants, les techniciens deviennent des personnes et ne sont pas juste derrière l'ordinateur. Chacun devient une personne. Et la relation qu'on tisse entre personnes permet d'aller hyper loin parce que quand on a un formulaire ou alors quelqu'un qui est désincarné derrière ou au téléphone ou loin ou en fait ça met aussi certaines barrières alors que si on connaît la personne qu'on peut l'appeler et qu'on peut dire est-ce que ce lieu-là peut être disponible demain et est-ce qu'on peut récupérer des tables là et est-ce que on peut faire des choses ensemble quand tout le monde redevient une personne, on arrive à avancer beaucoup plus loin, je trouve. Et par ailleurs considérer les lieux sur lesquels on travaille a priori comme des carrières à pépites et venir avec cet optimisme là, ça permet il y a un autre mot, c'est ouvrir les voies, voies OIES et voies OIX et je pense que considérer ça et venir avec la volonté d'écouter, d'entendre les voix, de pousser les gens à parler et de leur dire « mais vous pouvez faire les choses, allez-y, osez, ouvrons des voix ensemble », rien que de dire ça permet aussi d'avancer et d'ouvrir de nouveaux possibles. Par exemple, à Val d'Allière, on a beaucoup parlé d'espaces vacants, d'espaces commerciaux vacants, d'espaces publics vacants, d'anciennes mairies, d'anciens presbytères, etc. Et en fait, au début, c'était vraiment quelque chose de très tabou. Il fallait pas parler des espaces vacants ou des espaces qui allaient devenir vacants parce que c'était vraiment un gros problème. Et en fait, en parlant beaucoup et en considérant ces lieux comme des pépites aussi et les gens capables de faire des choses dedans et en montrant cette image-là à chacun, ça a permis à beaucoup de gens de faire un chemin et de se dire mais en fait, peut-être que ces lieux, c'est plutôt une richesse qu'un problème. Et à la fin de 6 semaines, qui est quand même très court, on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous dire « Ah, en fait... on vend plus le presbytère, quoi. On va faire un truc, on va mettre une AMAP, on va l'ouvrir, on va faire un événement dedans. » Et des élus qui étaient assez découragés par leurs espaces vacants dont il fallait s'occuper se sont finalement dit que c'était peut-être des pépites. Et moi, juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais juste avant. Ça m'a fait penser à courber les normes, en fait. Du coup, je prends le mot courber les normes. Parce qu'en fait, effectivement, à partir du moment où les élus ne sont plus que des élus, mais aussi des personnes, les techniciens sont aussi des personnes, etc., ça met tout le monde dans des postures différentes et ça permet justement de dépasser un peu ces normes, des fois, qui sont... Si on ne pense que par l'interdit, forcément, ça va foirer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sûr. Donc, si on se dit, bah, c'est pas interdit, donc peut-être que finalement, c'est possible. Enfin, si c'est pas écrit, ça veut dire que peut-être qu'il est impossible. Moi, j'ai un exemple concret là-dessus. On a organisé l'été dernier, dans le cadre de la halle, qui était en plein chantier, avec des lots, grosses œuvres, donc vraiment du gros chantier, on va dire. On avait décidé depuis des mois qu'on allait organiser Éclat de rue, une soirée Éclat de rue, qui est donc le grand festival d'art de rue de Caen, une traversée funambule au-dessus, en fait, du chantier, et que coûte que coûte, bah, ça devait se faire. On a la chance de travailler, je pense, en local. Il y a quand même des gens en termes de sécurité, ERP, je pense à quelqu'un qui s'appelle Sébastien Billot, qui est un peu le pro de toutes les questions de sécu locale, qui travaille que par le « c'est possible, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit possible », etc. Et finalement, en travaillant, et parce que nous, dans la cité de chantier, c'est aussi le lieu des ouvriers, donc en connaissant aussi les personnes et en se disant « mais non, mais on va y arriver, c'est possible », on va y arriver, vous inquiétez pas, c'est bordé, même si un tel, il a pas tel document pour pouvoir conduire un engin dans les arts de la rue, ils le font tout le temps, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Et ben, au final, cette manifestation, elle a pu se faire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu un peu de coup de gueule à des moments en disant non mais attendez, c'est bon, là, ça va aller. Et finalement, c'est ressorti comme vraiment une fierté collective. Parce que c'est chaque personne qui, individuellement, le risque, il était aussi réparti entre nous tous. Et du coup, de se sentir plus fort chacun dans les décisions qui ont permis, finalement, à cette manifestation d'avoir lieu. Et on a eu 1300 personnes sur site, alors que normalement, on avait dit qu'on n'en prenait que 400, par exemple. Et puis finalement, au fur et à mesure de la soirée, bon, bah, c'est bon, finalement, on s'est rassurés mutuellement, et puis ça a été possible, et puis le lundi, on était tous là, c'était dingue ce qui s'est passé vendredi, et voilà, et je pense que c'est question de courber les normes, parce que on échange avec des personnes et qu'on ne s'est pas juste référé à un document, des normes écrites, etc., c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, pour le coup, je pense que moi, ça m'a vraiment apporté énormément de travailler aussi avec justement les arts de la rue, parce que les arts de la rue, c'est des questions qui se posent en permanence, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans l'espace public. Aujourd'hui, il y a des questions de sécurité qui sont très très fortes depuis les attentats sur l'espace public. Et bien, les arts de la rue poursuivent quand même, se pose beaucoup de questions, etc. Et pour nous, voilà, ça a été hyper inspirant, parce qu'on parle de métier aussi, derrière, d'architecte, etc. Bah moi, pour moi, ça m'a vraiment enrichi de travailler avec ces métiers-là, ces secteurs-là, parce que bah voilà, eux, c'est leur quotidien, en fait. Bon, bah moi, je vais continuer aussi sur courber les normes, parce que, et dans un petit peu un autre sens que ce que tu viens de dire, enfin c'est un peu le même aussi, comment on réussit à peut-être interpréter ou courber ces normes, c'est aussi en faisant la démonstration que peut-être les choses peuvent marcher différemment, et il y a une des histoires dans l'Atlas du Oui qui est à propos de l'Université foraine de Rennes, qui est devenue aujourd'hui l'Hôtel Pasteur, qui ont expérimenté pendant 3 ans des usages dans un bâtiment de centre-ville qui n'était pas chauffé et qui a accueilli plein d'activités, que ce soit des artisans, des écoles, des étudiants, des projets artistiques, des projets de danse, qui a accueilli énormément de projets par tous les temps et sans être chauffé. Aujourd'hui, ce lieu-là, il devient un, il est en chantier et il va devenir un véritable hôtel à projet, d'ailleurs c'est un programme qui existe nulle part. Et pour ce bâtiment qui va être ERP, il a été décidé que le bâtiment serait, il me semble, seulement hors gel. C'est ça, sur les étages qui sont concernés par l'hôtel à projet et qu'on n'allait pas respecter la norme de la température dans les ERP parce qu'en fait on n'avait pas besoin de cette température-là pour les activités. Et ça, ça a été démontré par une utilisation de plusieurs années pour montrer qu'on pouvait aussi faire autrement. Et je pense que quand on habite un lieu et qu'on l'habite peut-être avant le projet, on peut faire ces démonstrations-là de frugalité aussi dans l'utilisation des lieux et démontrer parfois qu'il n'y a pas besoin d'être à la norme de confort pour réussir à faire des choses intéressantes dans les bâtiments. Voilà. Il y a courber la norme et puis aussi détourner la commande. Enfin, j'écoute ce que vous dites et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours de la place pour ce genre de pratique, d'expérience, d'expérimentation. Et moi, je fais toujours partie d'un collectif qui s'appelle le Laboratoire du Dehors et on s'en était un peu fait une spécialité. Notamment parce que la personne qui avait initié ce collectif avait un statut d'artiste aussi, en plus d'être paysagiste. Et c'est vrai que nous, on s'est retrouvés souvent en résidence, mais nous, on n'appelait pas ça être en résidence, on était en chantier, en fait. Et bon, voilà, c'est un prétexte un peu pour vous expliquer peut-être moi comment j'ai vécu cette question de la résidence. C'est un peu malgré moi en fait, c'est-à-dire que ça rejoint un peu la tactique du concierge. Nous, c'était la tactique du jardinier, c'est-à-dire qu'on était vraiment peut-être une ou deux semaines par mois pendant 2-3 ans sur un territoire. Et donc, de fait, vous êtes là, vous défrichez, vous débroussaillez, vous activez à des tâches qui sont assez modestes au fond, qui pleuvent, qui ventent, et c'est vrai que ça. Ça attire, en tout cas, ça fait baisser certaines barrières, en fait, cette modestie un peu de ce qu'on est en train de faire, un peu mystérieuse des fois. Voilà, et donc avec ce collectif, on faisait de la préfiguration, on appelait ça maquette à échelle 1, sur des espaces publics, soit en friché, soit qui s'étaient privatisés un peu par la force des choses. Et pour revenir à courber les normes, eh ben, effectivement, souvent ces contextes-là, c'était parce qu'on avait détourné la commande en fait. Parce qu'à l'origine, on était souvent appelés pour faire du divertissement, de l'animation. Et je pense que c'est une réalité. Enfin, vous êtes super optimiste, mais c'est aussi une réalité. C'est que toutes les expériences que vous décrivez, elles sont un peu. Peut-être tu peux m'aider, tu vois ce que je veux dire, mais parfois c'est des prétextes, la commande n'est pas bonne et il faut en faire autre chose, sans être trop présomptueux. Moi je vais te dire autrement, je pense que des fois la commande n'est pas bonne, des fois la commande n'est pas là. Enfin, je veux dire, nous aussi, notre gros problème c'est quand même que tout ce que je décris, oui, on l'a créé la commande, sauf que la commande n'est jamais arrivée. Nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, effectivement, on a dû trouver d'autres moyens de financer d'autres choses, effectivement, de passer par de la culture. Et donc, du coup, au titre d'activité culturelle, effectivement, de faire des demandes de subventions qui correspondent, de générer notre propre activité. Mais, effectivement, hein, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'exemple de l'hôtel Pasteur est peut-être le seul, enfin moi, que je connaisse d'une préfiguration aussi longue qui soit rémunérée pour ce qu'elle est, de préprogrammation. Et encore rémunérée très faiblement, hein, je pense, par rapport au travail qu'il fournit. Mais oui, c'est assez clair que la question des moyens qui sont mis pour ces expériences-là et de, effectivement, comment est-ce qu'on jongle tout le temps et comment est-ce que, aussi, c'est énergivore, parce que c'est comment est-ce que, bah, quelque part, on te reproche pas derrière, toi, on t'avait commandé de l'animation, et puis finalement, tu fais pas du tout de l'animation, et à la fin, on te demande un bilan pour te dire, et alors, combien il y a eu de personnes à ton animation, alors que c'est un truc qui n'a aucun sens par rapport à ton travail à toi. Oui, bah, ça, c'est sûr que cette question-là, elle est prégnante, et je pense que c'est à ce titre-là que des choses comme ce que font les Barbara est hyper important, ou ce que font le Polo sur les académies d'urbanisme culturel pour poser ces questions-là et se demander à quel moment est-ce que on n'est pas dans de l'animation, mais on est bien sur des questions d'aménagement d'urbanisme. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur ce qui se dit autour des questions d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire d'occupation d'espace entre deux destinations, est quelque chose qui est hyper développé, qui commence à se développer massivement en Île-de-France, etc. Sauf que moi, pour aller, par exemple, ça m'est arrivé de me retrouver dans un colloque où c'était que des aménageurs qui parlaient du risque que ça représentait pour eux de mettre à disposition justement ces espaces vacants, machin. Mais par contre, à aucun moment, il était question de payer les urbanistes ou les architectes, qui étaient en général les petits jeunes, pleins d'énergie, qui faisaient des trucs super. Ça c'était pas payé, ça c'était pas pris en compte dans le modèle de l'aménagement. Il fallait faire de l'événementiel. En gros, c'est tireuse à bière et fête des événements. Mais c'est ça. Enfin, excusez-moi, mais et alors que en même temps, il parlait de ce que ça provoquait en termes de dynamique urbaine, d'urbanisme, etc. Donc, c'est sûr que ça, ces petits pas là, ils sont quand même assez. Enfin, assez important, quoi, c'est clair. C'est le décalage entre ce que la réalité de ce qu'on fait, ce qu'on mène, et ce qu'on imagine produire sur un territoire en termes d'urbanisme, d'architecture, et ce qui est perçu et rémunéré comme tel, est assez important, le décalage. Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce dont on est en train de parler, on est aussi un petit peu en train d'inventer quelque chose ou de voir émerger des nouvelles façons de faire le métier, et c'est quelque chose qu'il faut raconter, qu'il faut réussir à légitimer, et puis il faut réussir à se faire aussi à se faire payer pour ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de gens pour trouver ça génial, et après quand il faut rémunérer du temps long, c'est moins facile, d'où le détournement. Oui. Je vais compléter, parce que c'est vrai que nous, on est une structure culturelle, territoire pionnier, et c'est vrai qu'on voit travailler les architectes en collectif, et en effet, être installé dans un territoire, faire naître la commande, financer eux-mêmes leur intervention, amener eux-mêmes la réponse. Et il y a un moment, ça se mord un peu la queue. C'est-à-dire que tant qu'il ne va pas y avoir des commandes réelles, des cahiers des charges qui sortent avec des vraies missions de programmation active, de préfiguration de lieux, de matière grise, en fait, de toute cette matière grise dont on parle depuis tout à l'heure, et de cette énergie humaine qui vient... évidemment faire des économies ensuite, c'est-à-dire que l'argent qu'on aura mis dans ce que tu dis, Camille, dans ce rien là, on vient rien faire, mais non, on vient pas rien faire du tout, on vient justement travailler une autre matière, quelque chose qui est là, mais qui n'est pas de l'asphalte, qui n'est pas des mètres cubes de béton, et qui du coup paraît être absent ou être quelque chose, une matière impalpable, mais en fait qui régit tout le projet, en fait. Donc nous, en tant que structure culturelle, on se dit qu'on a un rôle, nous, sur notre territoire, à rassembler les acteurs. C'est ce qu'on essaie de faire autour des résidences. Vous l'avez vécu avec nous, que ce soit la DDTM, que ce soit le CAIE, enfin, c'est un peu des acronymes, là. La Direction départementale des territoires et de la mer, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, que ce soit la région, que ce soit la Direction des affaires culturelles, que ce soit aussi plus largement quand Métropole, par exemple, qui sont des futurs financeurs aussi des projets qui vont être menés dans les territoires où sont menées ces résidences. Le fait de les associer depuis maintenant presque 10 ans à ces expériences de façon très concrète, en les associant à la sélection des équipes, au suivi de la démarche, a du coup une sensibilisation fine par justement la rencontre. C'est plus le directeur de la direction de la culture, c'est une personne identifiée avec laquelle on construit quelque chose. C'est cette culture partagée aussi du projet qui, pour moi, peut amener à la commande, justement, mais évidemment, c'est un travail de fourmi, de longue haleine, de conviction, mais qui semble aussi impossible à... Enfin, on ne peut pas trop aller en arrière, en fait, parce qu'en fait, ensemble, on se cultive, ensemble, on avance, et on avance dans nos esprits, dans une façon nouvelle d'aborder les choses qui, du coup, peut inciter à faire naître de nouvelles commandes. Alors, on commence à avoir des signes, justement, de nouvelles commandes suite à des résidences, et ça, c'est plutôt positif. Suite à la résidence à Hermanville et suite au travail des étudiants de l'Université de Caen sur les lisières et sur le lien aussi entre et l'université et territoire pionnier avec Caen Métropole, il y a eu toute une action qui a été lancée là, sur des expérimentations, sur des interstices dans des communes. Donc ça, c'est plus fictif. Là, ça y est, le cahier des charges a été lancé, l'équipe a été sélectionnée. Donc c'est une nouvelle façon aussi de revenir dans le territoire et de l'aborder. Et puis à Val d'Allière, la résidence, c'est tellement bien passé et a tellement fait aussi évoluer la pensée des élus sur leur territoire que il y a une mission de programmation active qui va être lancée très prochainement. Donc je pense qu'on va y arriver, mais ça va être long, ou peut-être il va y avoir des événements qui vont se passer, qui vont accélérer les choses. Voilà, moi on voit peut-être de quoi je veux parler, mais c'est vrai que cette frugalité, elle va être nécessaire à un moment, et il y a un moment on va plus pouvoir avoir la réponse juste de l'achat ou de la dépense ou de la réponse toute faite. Il va falloir effectivement se mobiliser collectivement pour avoir une réponse sur mesure et juste avec de faibles moyens sur nos territoires. Et donc là, c'est vrai qu'on peut-être on défriche, peut-être on fait les frais de tout ça, mais je pense que du coup, on capitalise aussi collectivement de ces expérimentations. Tout à fait. Je pense que après cette belle tirade d'Elisabeth... Je pense qu'on peut ouvrir la discussion et avoir un petit peu vos retours, vos questionnements, vos réactions par rapport à ce qu'on vient de vous raconter. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole ? Non, mais c'est pas très agréable. Mais je vais pas encore prendre la parole, je la monopolise tout le temps. Non, moi j'en ai plein. Peut-être j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur comment se fait l'activation en fait de ces démarches-là. Vous êtes passé un peu vite en fait, je trouve, dessus. Alors peut-être un peu moins sur le oui parce que du coup tu es rentré dans l'activation, mais je l'ai pas repéré en fait sur Val d'Allière en fait. Enfin voilà, vous avez répondu à un appel à résidence. D'où il vient cet appel à résidence ? Enfin, il y a quand même aussi ou une puissance publique, ou quelque chose effectivement qui l'active. Donc du coup, voilà. Et du coup, comment elle s'active en fait cette résidence, ou comment elle s'active cette immersion en fait à l'île Saint-Denis ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a projet ? Est-ce qu'il y a quelle est la commande quoi, d'une certaine manière ? Et du coup, comment vous la détournez ? Comment s'articule en fait ce jeu entre le cheminement de votre démarche, l'esprit des lieux, parce qu'il y a bien ça en fait en filigrane dans votre proposition, et au bout d'un moment le nouveau projet, c'est-à-dire la pré-programmation, ce que vous appelez la pré-programmation, qui est alors ou le détournement ou l'invention, j'ai pas très bien compris. Voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre de la création du projet ou qu'est-ce qui est de l'ordre du détournement de projet ? Ça, c'était ma première question. Et du coup, je bascule à la fin, c'est-à-dire Bon, voilà, empowerment, enfin voilà, il y a bien effectivement toute cette démarche-là, en fait, de révéler, de rajeunir les regards, j'aurais tendance à dire, cette idée de changer les systèmes de représentation pour changer les systèmes d'action, pour reprendre la formule de nos échanges, de révéler aussi les agencements, les relations, de révéler des compétences, et c'est des choses qu'on voit dans l'habitat participatif, qu'on voit dans les démarches d'auto-réhabilitation, enfin voilà, et donc de nouveaux acteurs qui apparaissent, nouveaux acteurs qui du coup sont plus des habitants, des personnes, mais sont des compétents. Enfin, il y a bien cette idée-là. Du coup, il y a une cofabrication qui s'active. Comment cette cofabrication, elle se formalise quand elle percute la puissance privée, c'est-à-dire l'argent. Parce que, d'une certaine manière, l'argent, il est bien quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça passe ou ça casse, en fait ? Si tant est que... Alors, peut-être pas dans les expériences en cours, parce que elles sont en cours, mais dans d'autres expériences que vous avez pu avoir, qu'est-ce qui fait que ça passe ou que ça casse ? Bon, on pense là, entre autres, aux grands voisins qui passent pas, quoi, en fait, ou juste 10% passent, parce que c'est réutilisé par la puissance privée pour, effectivement, faire le plus commercial du nouveau projet, quoi, en fait. C'est des choses qu'on a pu observer, enfin, voilà. Et là, ma question, elle s'envoie surtout à Colombelle, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, à force de révéler le lieu, de lui donner de la valeur... Est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas peur de vous le faire choper, ce lieu-là, de vous le faire shipper par la puissance privée, puisque, en fait, vous avez vu des choses qu'on n'avait pas vues et que d'autres vont finir par voir, les voir avec un autre regard. Je vais commencer par la fin, du coup. Déjà, vous dire que je pense que... Vous avez une interprétation. Je pense que les grands voisins, qui est donc un exemple dont vous parlez, qui est sur l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, qui a été centre d'hébergement d'urgence et puis vraiment un laboratoire en plein cœur du 14e arrondissement. Dès le départ, il y avait prévu un projet d'éco-quartier derrière. On parle bien d'un projet qui était temporaire. Et finalement, l'histoire... Pour vous, enfin, selon votre interprétation, ça se termine plutôt mal, quelque part, puisque c'est la puissance privée qui récupère. Mais je pense que pour eux, ça se termine quand même plutôt bien, dans le sens où ils pensaient vraiment que ça serait juste de l'occupation temporaire. Et puis finalement, ça a quand même donné... Il y a quand même une petite partie, effectivement, qui va être réutilisée. Il y a quand même des choses qui se sont produites. Et il y a quand même, je pense, aussi la démonstration que de l'hébergement d'urgence peut se faire dans un quartier bourgeois de Paris, que ça génère plein de choses, etc. Donc, après, toutes les questions de regard. Par rapport à Colombelle, bon, alors déjà, je vais vous rassurer, on a un bail pour la Grande Halle qui s'étend sur un minimum 9 ans. Donc, voilà, on a sécurisé jusqu'à ce moment-là, en tout cas. Et puis après... oui, peut-être que on va générer de la gentrification, on va dire, à Colombelle autour, ou donner de la valeur. En même temps, pour l'instant, on en est quand même vraiment loin, et on est plus nous à se redonner de la fierté et de du sens au fait des gens qui habitent là que d'amener d'autres intérêts privés sur ce territoire-là. Mais en tout cas, nous, déjà, on a un projet privé. Hein, on est une société coopérative d'intérêt collectif, certes, donc avec des façons de faire coopératives et justement toute une communauté de non-experts qui sont nos sociétaires, qui sont aussi bien une paysagiste que vous avez derrière vous, qu'une marchande de vin, que quelqu'un qui est juste habitant et qui a bouiné 10 000 trucs dans sa vie. Ça, on a 40 personnes qui font partie des groupes de travail, en fait, de notre coopérative et qui construisent ce projet-là au fur et à mesure pour un projet qui, finalement, sera quelque chose de privé. C'est aussi peut-être pour nuancer le côté... C'est coopératif. Après, voilà, c'est les façons de faire. Les façons de faire sont différentes parce qu'effectivement, c'est un mode coopératif. Mais après, pour autant, ça reste un projet privé, mais qui non dénué, évidemment, d'intérêt général. C'est aussi dans le cas de notre bail pour la Grande Halle. Voilà, juste répondre là-dessus. Alors, plein de questions dans la... peut-être juste par rapport à cette idée, en tout cas, de suite. Oui, non, mais je trouve qu'il y a plein de... Je ne vais pas répondre à tout, mais en tout cas, il y a des choses que j'ai envie de dire. Par rapport... Enfin, en tout cas, tu évoquais un peu les grands voisins ou cette idée, en tout cas, de comment on n'est pas que dans de l'animation et comment il peut y avoir une suite derrière. Je pense que c'est aussi nos rôles. Maintenant, il y a des appels d'offres, quand même, qui naissent autour de ce genre de mission. Et du coup, je pense que dans la méthodologie... lorsqu'on répond à ces appels d'offres, c'est à nous aussi d'essayer d'instaurer que ce qui va se passer va avoir une incidence dans l'écriture du cahier des charges pour les équipes qui vont suivre et va participer à l'écriture de la programmation. Et je pense que c'est pour ça que nous, Barbara, on dit que c'est un laboratoire de programmation habitée. C'est aussi se rapprocher de certains mots qui sont peut-être plus classiques, la programmation, le cahier des charges, et comment, en fait, dans le processus, on arrive à s'inscrire dès l'écriture de notre mission en répondant à l'appel d'offres pour que ça y soit. Enfin, nous, je sais qu'en tout cas, avec ici, ça nous arrive de répondre du coup sur d'autres missions, sur d'autres territoires à proximité quand même, parce qu'on a envie de pouvoir bien connaître, etc., les acteurs, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et de se dire que, dès le départ, en tout cas, si les personnes partent avec nous, ils savent qu'on va vouloir leur livrer un protocole et à quel moment, ce qui aura été récolté va devoir être obligatoirement lu par les prochains acteurs, etc. Donc nous, par exemple, le diagnostic d'usage urbain qu'on avait réalisé à la fin des 3 années, il se trouve qu'à ce moment-là, on avait des gens qui étaient très intéressés par cette démarche au sein de la communauté d'agglomération qui était en charge de l'unité territoriale de rénovation urbaine, du coup, qui nous ont aidés à financer du coup, ce diagnostic-là et qui l'ont mis aussi comme un document obligatoire dont les études urbaines devaient prendre connaissance pour la suite. Donc déjà, c'est un petit pas, mais c'était déjà quelque chose. Donc, voilà, je pense que ça peut être une des choses. Et après, peut-être... Du coup, c'est juste sur l'exemple du pavillon en chantier sur l'île Saint-Denis. Mais nous, un peu le pari ou la stratégie qu'on a faite, on verra si ça apporte ses fruits. Mais par rapport au lieu, c'est de se dire on s'attache pas, on s'accroche pas au radiateur, on s'accroche pas au mur, même si c'est du chantier participatif, même si évidemment le lieu, on le réhabilite petit à petit. Le parti pris, c'était on sait que la ville, l'idée d'un lieu qu'on retape, qu'on leur impose, ça va leur faire peur. Parce que frais de fonctionnement, etc. Donc dès le départ, on a dit ce lieu-là, peut-être qu'il ne durera que 3 ans, peut-être qu'il ne durera que 5 ans. Par contre, on essaye de se concentrer vraiment sur le contenu, ce qui est en train de fleurir et mûrir à l'intérieur. Et comme du coup, c'est des citoyens qui sont en train de se consolider, de se fortifier au travers d'une activité de restauration par les grands frères du quartier, d'un projet de caravane à MAM par des mamans qui sont en train de lancer ça, qui se structurent en association, en fait, on se dit que c'est ça qui va être solide et c'est ça qui va rester. Et donc, soit ça... Alors là, il se trouve que la ville est venue... l'AG de début d'année et depuis a mis un budget pour la rénovation du bâtiment, chose qu'elle pensait pas du tout mettre parce qu'elle a vu tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est ça aussi, c'est parfois se dire bah peut-être en fait on décale le sujet, c'est pas le bâti qui nous intéresse mais c'est construire les gens qui y habitent. Moi je reviens sur la commande, et vous demandiez quand est-ce que c'est de l'ordre du détournement ou de la création, et comment on en arrive là, quelles sont les commandes pour ça, quelles sont les stratégies. Et ben justement, il faut être assez stratégique, parce que moi je vais parler de mes deux expériences. L'expérience de Bataville, on a répondu à un appel d'offres d'une mission d'études urbaines, assez classique finalement, même s'il y avait, un volet sur les usages. Mais, donc c'était une réponse à un appel d'offres assez classique. Et je pense que... en fait, il n'y avait pas assez... Dans cet appel d'offres, ils nous ont choisis parce que c'était atypique, alternatif, et qu'ils étaient intéressés par ce genre de démarche. Mais en même temps, il n'y avait pas vraiment, c'était pas vraiment porté par des élus, c'était pas vraiment porté très fortement, et il n'y a pas eu de relais derrière. Et on n'a pas réussi à transformer assez cette commande-là parce que, en fait, on peut pas le faire tout seul. On peut pas le faire tout seul, il faut qu'on ait des personnes en face qui aient envie d'intégrer une nouvelle culture aussi, de la façon de faire du projet, et qui aient envie de porter ça plus loin. Et c'était un contexte particulier à Bataville parce qu'on a fini l'étude sur une fusion de communautés de communes, et du coup c'était plus porté par la nouvelle communauté de communes, donc tout ça c'est un peu évaporé. Mais en tout cas, ce qui est très très important, c'est de, quand on est face à une commande qui existe et qu'on imagine la détourner ou l'aménager, il ne faut pas du tout, et on peut être optimiste, et je pense qu'on est tous très optimistes, mais il ne faut pas du tout être naïf sur les possibilités de faire évoluer cette commande-là. Il faut connaître le contexte un petit peu et pas être naïf sur ces possibilités d'évolution de la commande, parce que si on arrive dans un contexte complètement bloqué, il y a quand même peu de chances qu'on arrive à développer ce genre de démarche qui demande du long terme, en fait. L'énorme chance qu'on a à Val d'Allière, pour lequel donc il va y avoir un appel d'offres qui va être lancé suite à cette résidence, donc résidence coordonnée par Territoire Pionnier, Maison de l'Architecture, dans le cadre des 10 résidences en France portées par le réseau des maisons de l'architecture. Ça, c'était pour... vous me demandiez comment se fait l'activation, comment on était arrivé là. Donc c'est une résidence avec presque une carte blanche autour de l'architecture. Donc ça peut nous mener un peu dans plusieurs directions. Et nous, on a travaillé sur des façons de faire le projet différemment, parce qu'en face, on avait une équipe d'élus et de techniciens qui étaient très très réceptifs à d'autres manières de faire, et en fait qui étaient plus intéressés par la manière de faire que par le résultat qu'on aurait pu apporter pendant la résidence. Et cette rencontre-là, avec des personnes très intéressées et qui avaient envie d'un changement, elle est indispensable pour qu'on puisse aller plus loin. Voilà. Juste pour compléter sur le comment on choisit nos territoires de résidence, parce que ça vient rajouter un petit... ça vient répondre à ta question et puis aussi expliquer pourquoi ce terrain était aussi favorable. En fait, au départ, on cherche des communes en fait, qui vont être réceptives à ce type de démarche. Déjà, qui vont être assez ouvertes, parce que, comme dit Camille et Margot, on ne sait pas du tout ce que ça va produire. Donc, il faut absolument avoir une commune en face qui est prête à accueillir un projet participatif, un projet culturel qui parle de la commune. On ne sait pas du tout ce que ça va faire. Donc déjà, il faut des élus en face qui sont ouverts. Et c'est pour ça qu'au début, quand on faisait des résidences, on allait dans des territoires où il ne se passait rien. Parce que du coup, là, il n'y avait pas d'enjeu. Enfin, voilà, il n'y a pas de projet. Personne n'avait réfléchi à rien. Voilà, bon. Ah bah tiens, vous venez. Bah tiens, ça, c'est bien. Voilà, c'était facile. Bon, là, maintenant, on va un peu plus loin. C'est qu'en fait, en associant notre réseau de partenaires année après année, on fait appel à ce réseau qui, lui, connaît finement les élus sur leur territoire, qui connaît aussi les enjeux. Je pense en particulier à Stéphane qui est là, de la DDTM du Calvados, qui suit les résidences depuis plusieurs années et qui a été mobilisé quand on a cherché à faire une résidence en 2018, et qui nous a dit, voilà, moi je vois bien le territoire de Val d'Allière, les élus sont en train de se poser des questions, ils arrivent un peu, et nous quand on a été les voir, c'est vrai qu'ils nous ont dit, nous on essaye de faire tout ce qu'on peut en tant qu'élus, mais on sent qu'il y a un levier qu'on ne peut pas activer nous-mêmes, et on a besoin justement, cette résidence peut être un outil pour l'activer. Voilà, parce que l'action publique, la collectivité, elle peut faire plein de choses, mais il y a un moment, mobiliser les citoyens, c'est pas forcément la collectivité qui est en capacité de le faire. Et puis, ça a montré aussi leur ouverture justement vers cette puissance collective des citoyens, peut-être la société civile aussi qui est là. Et c'est... La résidence est arrivée en effet à un moment où ils étaient prêts à l'accueillir. Là, on a une prochaine résidence qui va avoir lieu à Vire, dans le quartier Sainte-Anne, qui est aussi un territoire très plutôt favorable, qui est assez dynamique, qui a déjà beaucoup réfléchi qui est dans le programme Action Cœur de Ville, programme national Action Cœur de Ville, qui est en train de vouloir faire un éco-quartier en site habité, et qui se dit comment on va réhabiliter ces espaces publics et ce quartier. Et qui se dit la résidence peut être un moment aussi pour enclencher cette démarche collective, mobiliser les habitants, les associations, les acteurs locaux autour du projet culturel, mais dans l'idée ensuite de s'appuyer sur cette première impulsion de la résidence pour ensuite avancer sur le projet urbain, mais collectif. Et là, on est face à des collectivités qui sont ouvertes et qui ont envie aussi d'associer la population à leur projet, en laissant une ouverture et en montrant que, justement, on disait ouvrir des voies, mais c'est aussi la collectivité qui est prête aussi à laisser la place aux habitants et à leurs propositions. Voilà. Mais après, toutes les résidences n'aboutissent pas du tout à ce qui s'est passé à Val d'Allière. On le voit sur les trois exemples de résidences qui sont présentées aujourd'hui. Il y a celle d'Hermanville qui a plus travaillé sur les représentations et celle de Picauville qui a plus travaillé aussi sur la symbolique de faire commune. Et les élus, là, ils n'étaient pas prêts à se lancer dans toutes ces démarches-là. Ils en étaient déjà, et la population avec eux, à se reconnecter ensemble sur leur territoire de commune nouvelle et à se dire déjà, on fait commune. Mais c'était pas on va faire projet ensemble. C'était déjà, prenons conscience ensemble qu'on fait commune. Et c'était l'aboutissement avec SEMA, l'occupation de l'espace public de cette place. Voilà. Je laisse la parole. Question. Merci. Donc bonsoir à tous. Je m'appelle Louis Gallo et je suis un étudiant en L3 en histoire. Et j'ai lu aussi le livre Atlas des Oui, mais et j'ai remarqué que le sujet abordait peu en fait les financements participatifs ou le crowdfunding sur Internet. Donc en fait, ce sont des sites en fait qui proposent aux utilisateurs d'utiliser des projets qui proposent des projets en fait qu'ils invitent à financer avec différentes personnes. Par exemple dans mon cas, j'avais vu un projet qui proposait justement un restaurant bio. Donc en fait, il cultivait ses propres légumes, son propre élevage, sa propre énergie. En fait, elle prévoyait de construire sa propre panneau solaire photovoltaïque. Et en fait, la personne avait proposé ce projet qui n'avait pas reçu de contribution parce qu'en fait, il était situé en plein milieu rural, il n'était pas dans une ville. Les voies d'accès étaient surtout des vélos puisque c'était surtout un lieu de promenade. Et les villes aux alentours n'étaient pas très intéressées. Donc le projet demandait 200 000 euros. Et ensuite sur Ulule, donc c'est un site de financement participatif qui avait demandé 200 000 euros, lui avait laissé 30 jours et avait finalement réussi à avoir justement les fonds nécessaires pour le construire. Et justement, inviter certains contributeurs qui ont pu assister au premier repas ou des choses comme ça, aux choses organisées. Mais du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'Atlas d'Oui, en fait, je n'ai pas vu ces financements participatifs. Mais est-ce que vous avez déjà été invité ou est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire. Est-ce qu'on fait on lance un fonds sur Internet? Alors, oui, je pense que. On connaît tous ces processus de financement participatif, mais on n'y a pas eu recours. Je parle à titre personnel parce que je n'ai pas de projet dans l'Atlas dit oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est, évidemment, effectivement, on connaît tous ces systèmes participatifs. Enfin, je voulais juste dire, moi, il y a un moment, enfin, il y a une question aussi de soulever une volonté politique, de soulever aussi la question de l'argent public et de la commande publique. Donc, enfin, moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'envisage absolument pas. Et notamment, c'est peut-être cet écueil aussi de penser que chacun, à sa petite échelle, peut faire quelque chose. Moi, je suis assez critique de cette approche-là, dans le sens où il y a un moment, pour que les choses avancent, il faut y aller peut-être un peu plus franco, quoi. Et il faut dire aussi qu'il faut... j'appelle pas à la révolution non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des responsabilités, notamment au niveau de l'État, et de l'argent public qui est notre argent à nous tous en fait. Donc moi je trouve que c'est ennuyeux que ça passe par un système comme ça. En fait, il y a quelque chose de démerdez-vous tout seul, quoi. Enfin. Et après c'est vrai que les fonds sont surtout trouvés par des fonds publics, mais n'est-ce pas une façon aussi pour chaque personne en fait de s'engager activement et de se rencontrer par exemple? Bon, moi je serais pas aussi catégorique. Enfin, je pense que non, mais moi je trouve que ça peut être un super moyen de financer certaines choses. Dans l'Atlas du Oui, il n'y a pas eu spécialement d'appel à ça, mais après c'est vrai qu'il y a des questions d'échelle, de somme aussi. Enfin, c'est vrai que là, du coup, c'est quand parfois ça vise des projets de rénovation architecturale ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est des sommes très importantes. Et que du coup, bah voilà, l'idée, c'est le plus possible que ce soit des leviers qui fassent que ce soit de l'argent public qui permette voilà, d'intervenir. Je pense au Tripostal, donc à Avignon, il y avait eu quelque chose qui n'était pas du financement participatif de cette manière-là, mais il y avait eu quand même l'organisation, parce que justement, les politiques ne se bougeaient pas assez vite, et il y avait eu l'organisation d'un grand banquet, et donc là, il y avait beaucoup d'artistes, en fait, et d'associations culturelles qui étaient liées au projet, ce projet de permanence, et donc plein d'artistes s'étaient mobilisés pour faire des dons d'œuvres qui avaient été vendues dans un grand repas gala aux enchères, etc. Et du coup, on l'avait. Voilà, c'est vrai que nous, ça nous avait paru avoir peut-être plus de sens. En tout cas, cet appel au don, plutôt que de le faire par Internet, de le faire en vrai avec une rencontre dans le lieu. Et ça avait permis justement aux personnes accueillies sans abri dans le lieu de rencontrer ces mécènes qui étaient venus. Donc voilà, c'était un peu un autre format, une autre manière en tout cas de proposer un financement. Enfin, participatif, du coup. Après, il est possible aussi d'envisager qu'on peut faire... Enfin, il est possible de faire les deux, par exemple. Pour 10 euros investis, l'État s'engage à donner 20, par exemple. Après, juste moi, pour prolonger cet échange, je pense que moi, je suis partagée aussi. Je suis d'accord qu'à un moment donné, en tout cas dans ce qui est présenté là, dans l'Atlas du Oui, etc., c'est quand même des choses qui posent la question de, à un moment donné, c'est quoi la commande, pourquoi on est payé, pour faire quoi, etc. Et qu'il y a un moment donné où, effectivement, le financement participatif, c'est toujours la question de jusqu'où ce qu'on fait et d'intérêt général, et à ce titre-là, doit être financé par ce qui est du ressort de l'intérêt général, et l'État est quand même garant, enfin, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, parfois, on se demande, mais quand même, théoriquement, c'est quand même un moment son rôle aussi, j'en suis d'accord. Après, nous, on va faire appel à du financement participatif. Ouvrez tous bien grand vos oreilles. Non, mais parce que pour nous, le financement participatif, c'est qu'est-ce qu'on peut financer en plus. C'est pas de se payer nous pour ce qu'on fait aujourd'hui et qui effectivement est de l'ordre de l'intérêt général. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir dans notre halle en termes de mobilier. On aimerait bien que ce mobilier, on le fasse avec telle démarche. On aimerait bien, etc. Mais c'est encore autre chose pour moi que ce qui est décrit en tout cas dans l'Atlas du Oui et qui est de payer des gens pour aujourd'hui assurer de la préfiguration, de la programmation, etc. Et je voulais dire autre chose. Et oui, et par contre, je suis d'accord, je te rejoins, Hélène, aussi. Je pense qu'effectivement, le financement participatif, en même temps, il y a un côté où ça permet de fédérer énormément d'acteurs, etc. Mais en échange, c'est aussi sur pourquoi vous ne le faites pas. Bah, parce que tout simplement, un financement participatif, c'est énormément d'énergie. C'est parce que bah, pour 30 jours, en plus de 100 000 euros, là, je pense que là, tu es vraiment sur la fourchette hyper haute. Mais je veux dire, il faut déployer une énergie de malade mental, quoi, parce qu'il faut aller chercher, relancer, imaginer les contreparties, communiquer autour de ça, etc., etc. Donc c'est toujours la même chose, c'est qu'à un moment donné, cette énergie-là, qu'on met là, on ne la met pas ailleurs, alors que ce qu'on a envie de faire, c'est justement cet ailleurs. Donc ça pose quand même pas mal de questions pour moi. C'est vrai que c'était très tranché ce que j'ai dit, mais non, mais vous voyez ce que je... Je pense que c'est important que ça soit dit un peu comme ça, de manière un peu brutale aussi, parce que... Et en même temps, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Enfin, ça, dans votre démarche à vous, il y a un vrai engagement général. C'est très fédérateur, en fait. Donc ça a des vertus, clairement. Mais bon, je trouve que des fois, il faut un peu... C'est celui qui marche là. C'est vrai qu'on a tendance à presque chercher des solutions de secours, presque pour s'excuser de coûter, enfin que ça coûte de l'argent. Et en fait, il faut absolument pas lâcher. Je pense que on va dans le bon sens et que ces missions là, il faut vraiment qu'on les fasse reconnaître. Cette intelligence collective, elle a une valeur et elle a plus de valeur que des mètres cubes d'asphalte ou que des mètres cubes de béton. Et par contre, pour ça, on est prêt à mettre des millions. Et on trouve facilement souvent même des financements pour couler des dalles entières. On trouve ça normal que ça coûte des millions, alors que pour accompagner des projets qui bénéficient à tous, on n'arrive pas à trouver des financements qui sont souvent moindres. Et donc peut-être c'est aussi en parlant de ce qu'on fait, en tenant les choses aussi. Camille, je pense que tu as vraiment raison aussi de te positionner comme ça, parce qu'il faut, je pense qu'on est dans le vrai et il faut vraiment affirmer ça aujourd'hui face à justement toutes ces puissances qui pensent à nous vendre du produit, vendre de la matière, alors qu'on n'en a plus, alors qu'elle est limitée, alors que l'intelligence collective, elle est illimitée et elle est pas gratuite, justement. Je pense qu'il faut vraiment reconnaître qu'il y a besoin, justement, de meneurs, de personnes qui portent ces valeurs et qui soient reconnues et rémunérées. Moi, je confirme complètement ce que tu dis sur aussi les questions d'échelle à des moments, parce que moi, j'ai travaillé chez un aménageur hyper classique avant, et donc, du coup, typiquement, dans une opération d'aménagement, s'il y a un moment où on te dit non, si le département dit non, cette route, c'est pas possible, on peut pas aménager un tourne à gauche, il faut un rond-point. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste d'aménager une petite voie, il faut un rond-point. Ben, un rond-point, c'est 300 000 euros. Enfin, je veux dire, c'est énorme, ça nécessite. Hein. Et ben, on va le trouver. Cet argent-là, on va le trouver. Parce qu'il n'y a pas le choix, il faut faire un rond-point. Par contre, si tu dis j'ai besoin de 10 000 euros pour effectivement faire en sorte que mon inauguration ne soit pas juste une inauguration, mais ça motive des habitants, on travaille avec telle association, oh là là, 10 000 euros, on n'a pas prévu de ligne, etc., etc. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, un bilan d'aménagement, c'est quand même... Et ça, effectivement, je te relance, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi réussir et c'est là où on se pose les questions de est-ce qu'on se met 1% direct en se disant bah ça, on consacre une partie de notre budget d'aménagement, on le consacre à faire d'autres, enfin à des expérimentations, etc., qui à la fin feront faire des économies générales au projet. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des façons de raisonner qui sont quand il faut aménager du dur, ce qu'on appelle un aménagement, hein, du dur, donc des bâtiments, des routes, des ronds-points, des machins, on va toujours trouver le fric pour le faire. Par contre, dès qu'il va s'agir de trouver des sous pour le mou, donc ce qui n'a pas de prix aussi, enfin ce qu'on arrive nous aujourd'hui à dire, bah on sait que ça nécessite une personne à plein temps pendant 3 ans, donc ça on arrive à le chiffrer, mais on ne sait pas dire ce que ça va produire réellement, on ne sait pas dire à part qu'on sait que ça va être riche pour le projet, mais on peut pas définir précisément. Alors là, du coup, ça devient forcément plus compliqué, quoi. Et du coup, pour moi, c'est aussi tout le travail enfin, qui est en train de se faire et qui reste à faire, de pouvoir aussi parler en chiffres, en fait, de pouvoir aussi s'appuyer sur donc, l'hôtel Pasteur. Je pense que ça va être un projet, donc à Rennes, ça va être un projet référence là-dessus, et de pouvoir parler clairement aussi d'économies qui sont faites sur le long terme, pour aussi avoir ces outils-là pour convaincre, parce qu'en fait, jusqu'à présent, ça, je pense que ça parle beaucoup sur des valeurs humaines, sur l'implication des citoyens, mais il y a aussi, en fait, des raisons aussi économiques qu'on pourrait avancer. Et donc, avec Barbara, c'est aussi l'idée qu'on puisse, en tout cas, s'épauler là-dessus et pouvoir aussi structurer des bilans de projets sur ces expériences-là qui commencent quand même à s'essaimer de plus en plus avec plein de formats différents, pour qu'on puisse aussi avoir des données très concrètes à avancer. Parce que je pense qu'il faut, enfin, on en a besoin en fait pour convaincre les aménageurs. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière, ou un témoignage, ou allez, une dernière. Ouais, je vais quand même. tout le monde m'a vu. Enfin, maintenant, voilà. Donc moi, je fais partie de l'État, hein, peut-être le gros méchant qui ne veut pas sortir d'argent régulièrement. Mais je pense que les choses évoluent et je voudrais revenir sur le crowdfunding et les financements. Souvent, enfin, je crois que vous avez raison, la notion de commande publique, c'est important. Et à un moment ou à un autre, il faut que la personne qui pose sa commande, quand elle finance, elle est obligée, si on fait appel au crowdfunding, à la limite, on met pas forcément grand-chose, on n'est pas obligé de tout bien détailler. Alors que quand on va mettre de l'argent public, on va faire un appel d'offres, là, on est obligé d'aller creuser au fond de la réflexion, de se dire qu'est-ce qu'on veut faire et où on va. Et donc, du coup, c'est quand même important que la puissance publique elle soit en capacité de le faire. Voilà, ça c'était mon point de vue. Et après, le crowdfunding, il peut peut-être venir en complément. Il y a plein d'autres modes de financement en complément. On oublie souvent l'Europe qui finance énormément de choses. Je vois à Val d'Allière, l'Europe a énormément nous financé. Le ministère de l'écologie aussi finance. Enfin, voilà. Au sein du... Moi, j'appartiens au ministère de l'écologie. Enfin, j'appartiens, je travaille pour, pardon. La question de la participation du public et les modes de faire un peu différents qui sont portés notamment à travers les résidences d'architectes et autres, c'est quelque chose que le ministère porte parce qu'en fait, il a vraiment l'impression que dans les transitions qui sont en cours, et ben en fait, c'est des clés de levier pour aider les collectivités, pour aider les élus, pour aider les habitants à faire mieux tous ensemble sur un territoire. Je voudrais juste revenir sur Val d'Allière et sur les détournements. Je pense que moi, au contraire, à Val d'Allière, ça n'a pas du tout été un détournement. La commande, elle était vraiment ça à l'origine. Hein. Je me rappelle quand on avait vu Elisabeth, j'avais dit ce qu'il faut, c'est qu'on travaille sur le comment aider à développer le sentiment d'appartenance des habitants sur cette commune qui est nouvelle. 14 communes, ils se connaissaient sans vraiment se connaître. Et donc, c'était important de leur apporter autre chose que construire un city park, construire, voilà, rénover la voirie de la chaussée de la commune du Roc ou je ne sais quel autre nom de commune un peu bizarre sur ce territoire-là. Et donc, du coup, on était persuadés qu'une résidence d'architecte, ça aurait été intéressant. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu d'autres expériences qui ne prennent pas autant. Il faut aussi rencontrer un terreau, un territoire, des gens qui sont réceptifs, enfin tu l'as bien dit, et je pense que ça se fait pas partout, et c'est pas parce qu'on mettra de l'argent que ça se fera. Il faut aussi qu'il y ait des personnalités et des personnes qui ont envie. Voilà, c'était tout. C'était juste... C'est bien pour ça qu'on n'a pas eu besoin de détourner la commande à Val d'Allière. Juste vous remercier tous pour la qualité des échanges, pour l'ouverture aussi qu'apporte ce type de démarche. Et puis, on va rester attentif à ce que fait le laboratoire Barbara, à ce que fait... Est-ce que fait Hélène avec son association ici? Et puis, dans le cadre de Chantier commun, on propose une visite du chantier de la Grande Halle le 28 mars à 18h, une visite ouverte à tous, gratuite. Donc, je vous invite à vous y inscrire, parce qu'il reste encore quelques places. Et puis, à prendre la plaquette du chantier culturel, voilà, avec tous les rendez-vous proposés par le WIP en préfiguration de l'ouverture de la Grande Halle qui aura lieu en octobre 2019, donc c'est-à-dire dans 6 mois environ. Voilà, donc ça va venir très vite. Et donc, c'est aussi l'occasion de soutenir le projet et d'aller le faire vivre que de participer à toutes les activités qui s'y passent. Voilà, on vous propose maintenant d'aller boire un petit verre et de poursuivre les discussions par là-bas.